بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات لهذا الدرس وقد واليوم نواصل في باب الوتر في الحديث الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله. Et donc, bienvenue chers frères et sœurs pour ce cours, dans ce sous-chapitre, le sous-chapitre lié au witr. On continue donc l'explication du premier hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah, dans ce sous-chapitre. An Abdillah ibn Umar radiallahu anhuma qal, sa'ala rajulun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa ala al-mimbar, ma tara fi salati al-layl. قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. Selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qui dit, un homme a interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur le mimbar en lui disant: que penses-tu de la prière nocturne? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, mathna mathna, donc deux par deux. Et si l'un d'entre vous craint que n'arrive l'aube alors qu'il prie une unité de prière, alors qu'il accomplisse une unité de prière, celle-ci va rendre impair ce qu'il a déjà prié. Et certes, il disait, sallallahu alayhi wa sallam, faites que la dernière prière que vous accomplissez la nuit soit impaire, witra. Ra'ayna bil ams, anna al-witra sunnatun wa laysa biwajib. Nous avons vu hier que le witr est une sunna et que cette prière n'est pas obligatoire. Wal yawm, ننظر في فوائد أخرى مذكورة في الحديث. Et aujourd'hui, nous allons méditer concernant d'autres leçons profitables qui sont dans ce même hadith. فيؤخذ من الحديث أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى. Et donc, nous voyons dans ce hadith que ce qui est mieux dans la prière nocturne, c'est qu'elle soit, elle se fasse de façon paire, deux par deux. وَهَكَذَا يَسْتَطِيعُ الْمَرْءُ أَنْ يَكُومَ بِبَعْدِ شُؤُونِهِ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ. Et c'est comme cela que l'individu va pouvoir accomplir plusieurs choses qu'il doit faire entre chaque prière. لَكِنَّهُ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنَّهُ زَادَ عَلَى ذَلِكِ. Cependant, il a été rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a rajouté, qu'il a accompli plus d'unités que cela ensemble. قال العلامة النجمي رحمه الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا وأربعا وثلاثا وصح عنه أنه صلى خمسا بتشهد وسلام وأنه صلى سبعا بتشهد وسلام يجلس في السادسة ثم يتشهد ثم يقوم فيأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلم وأنه صلى تسعا بتشهدين وسلام يجلس في الثامنة فيتشهد ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر في ذلك واسع وكل ذلك جائز إلا أن الصلاة مثنى مثنى أفضل لما ذكرنا والله أعلم. Et donc le très savant An-Najmi, rahimahullah, il nous dit, il a été rapporté de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a accompli la prière 4 par 4. Qu'il a accompli la prière avec 4 unités, puis 4 unités et 3. Elle a été aussi rapportée de façon authentique qu'il a prié avec 5 unités et un tashahhud et le salam. Et donc 5 unités d'affilée avec un tashahhud et le salam à la fin. Et qu'il a aussi accompli 7 unités. 7 unités avec 2 tashahhud et un salam. Il s'assied après la sixième unité. À la fin de la sixième unité, il s'assied. Puis fait le tashahhud. Puis se lève, fait la septième unité. Puis le tashahhud et fait le salam. Il a aussi été rapporté de façon authentique qu'il a fait 9 unités avec 2 tashahhud et un salam. 9 unités de suite, donc avec 2 tashahhud et un salam. Il s'assied au bout de la huitième unité, fait le tashahhud, puis se lève, fait la neuvième unité, puis il fait le tashahhud et le salam. Et donc ces hadiths-là nous montrent que, en fait, tout cela est permis. Tous ces hadiths nous montrent que tout cela est permis. Mais que la prière deux par deux, cela est mieux. Cela est préférable à cause de ce que nous avons cité précédemment. Fin de citation. Qu'est-ce que le cheikh avait cité précédemment? C'est ce que je vous ai dit avant. C'est que l'individu, lorsqu'il prie deux par deux, il va pouvoir vaquer à ses occupations, refaire ses ablutions s'il en a besoin, etc., etc. ويؤخذ من الحديث أن الأصل في المتنفل ليلا أنه لا يتنفل بركعة واحدة وإنما يفعله إذا خشي الصبح. On comprend dans ce hadith concernant celui qui va prier, qui va accomplir des prières surrogatoires la nuit. On comprend dans ce hadith-là que celui-ci ne va pas le faire avec une seule unité à la base. Mais qu'il ne fait cela que s'il craint d'être surpris par l'arrivée de l'aube, tout simplement. Et donc ce n'est pas la base que tu viennes après l'Isha, tu viens, tu pries une unité. Non. La base, c'est que tu fais plusieurs unités. Mais si tu penses, si tu as peur d'être surpris par un sobh, à ce moment-là, tu fais une unité de prière. وفي الحديث أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو وترت له ما صلى. Il y a dans le hadith le fait que le temps du witr se termine avec l'arrivée de l'aube. À l'arrivée de l'aube. Et cela à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si l'un d'entre vous craint d'être surpris par le subh, par l'aube, alors qu'il accomplisse une unité, celle-ci va rendre impair ce qu'il a déjà prié. Wa qad akhraja muslimun fi sahihihi an abi sa'id annahum sa'alu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an al-witr fa qala awtiru awtiru qabla as-subh. Et certes, l'imam muslim a cité dans son recueil, dans son sahih, selon Abi Saïd al-Khudri radiallahu anhu, qu'ils ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le witr. Il a alors dit, faites le witr avant le subh. Faites le witr avant le subh. Wali yu'lam, anna waqta al-witri yabda'u bil-isha. فَمَنْ صَلَّ الْوِتْرَ قَبْلَ الْعِشَى لَمْ يَصِحْ وِتْرُهُ. Et il est important de savoir que le temps du witr, il commence après l'Isha. Le temps du witr commence après l'Isha. Celui donc qui va accomplir sa prière du witr avant l'Isha, sa prière, donc son witr, ne sera pas valable. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. La prière est dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit, il fait en sorte que la dernière prière que vous accomplissez durant la nuit soit impair. فمن صلى الوتر في أول النهار ثم نام فاستيقظ في آخر الليل هل يجوز له أن يصلي بعد ذلك أم لا. La personne qui va prier, qui va accomplir le witr en début de la nuit, puis cette personne va dormir. Mais cette personne, elle se réveille en fin de la nuit, avant l'aube. Est-il permis à cette personne de prier encore, alors qu'elle a déjà fait le witr auparavant? Est-il permis de prier ou pas? Al-jawab na'am. Lahu an yusalliya ba'd al-witr. La réponse, oui, il peut. Cette personne peut prier après le witr. Cette personne peut prier après le witr. Beaucoup de personnes se posent cette question pendant Ramadan avec le tarawih. Mais le problème, c'est que est-ce que c'est que pendant Ramadan qu'on va prier la nuit? Est-ce que c'est que pendant Ramadan qu'on va se lever pour prier la nuit et donc se poser cette question? Est-il permis de prier encore après le witr? Et donc la réponse, comme j'ai dit précédemment, na'am, cela est permis. Lakin hal yutiru marratan ukhra hatta yashfa'a witrahu. Cependant, est-ce que cette personne va faire le witr une deuxième fois afin qu'il puisse rendre sa prière pair, puisque sa prière elle était impair et maintenant il veut prier, il va donc la rendre pair pour ensuite refaire un autre witr à la fin pour finir avec un witr et donc impair. Ikhtalaf al-ulama fi dhalik. Les savants, ils ont divergé concernant ce sujet. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى وجوب جعل آخر الصلاة من الليل وترا. Et donc il y a un groupe parmi les savants, parmi les gens de science, qui voit qu'il est obligatoire à l'individu de faire en sorte que la dernière prière qu'il accomplit durant la nuit soit impair. فمن أوتر في أول الليل ثم قام آخره مأمور عندهم بوتر آخر ليشفع وتره ثم يصلي ما شاء مثنى مثنى ثم يوتر مرة أخرى. Et donc les savants qui voient cet avis, donc ils voient que la personne qui a fait le witr en début de nuit, puis cette personne elle se lève donc à la fin de la nuit, cette personne elle est ordonnée, donc selon ses savants il est ordonné à cette personne donc de refaire un autre witr afin qu'il puisse rendre sa prière pair. Ensuite, la personne va prier, elle va faire le nombre de prières qu'elle veut et dont elle a besoin. Et ensuite, après cela, la personne va faire un autre witr à la fin. Et cet avis a été donc rapporté de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a parmi eux Uthman ibn Affan, aussi Abdullah ibn Omar, radiallahu anhum, il y a aussi Abu Sa'id al-Khudri, et Urwa ibn Zubair, Usama ibn Zayd, radiallahu anhum. Lakin al-Ishkal, annahu ja'a anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, fi sunani Abi Dawud wa ghayrihi, annahu kal la witrani fi layla. Le problème est qu'il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, comme dans Sunan Abi Daoud et d'autres. Et donc il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, il n'y a pas deux witr dans une nuit. Lidhalika lamma balagha ibn Abbas radiyallahu anhuma أن ابن عمر رضي الله عنهما يشفع وتره لم يعجبه ذلك وقال ابن عمر يوتر في الليل أو في ليلة ثلاث أوتار. Et c'est pour cela que Ibn Abbas رضي الله عنهما, lorsqu'il a su que Abdullah ibn Omar رضي الله عنهما, il donc rendait son witr père, cela ne l'a pas plu. Et il a dit, Ibn Omar, il accomplit le witr trois fois en une nuit. Ibn Omar accomplit le witr trois fois en une nuit. Fait le call ou fani, fil mes'ela, call Ibn Abbas wa Aisha. Et donc, l'avis, le deuxième avis qu'on a dans ce sujet, c'est l'avis d'Ibn Abbas, ainsi que Aisha, Abu Huraira, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhum, wa huwa madhhab al-Shafi'i wa Ahmed. Et c'est aussi l'avis donc de l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed. Wa daliluhum, me akhrajahu muslimun, an Aisha radiallahu anha, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, kana yusalli ba'd al-witri, raka'atayni. Et leur preuve est le hadith qu'a cité l'imam muslim, rahimahullah, selon Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait après le witr. Après le witr, il accomplissait deux unités de prière. Deux unités de prière. Et donc, c'est un avis qui dit que la personne, même si elle a déjà fait le witr, elle ne va pas après cela refaire le witr. Elle ne va pas refaire le witr, mais elle va continuer à prier normalement de façon paire. Idan, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam amarana an naj'ala akhir salatina bil-layl witra. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de faire en sorte que la dernière prière que l'on accomplit la nuit soit impair. Wa thabata anhu annahu salla rak'atayn ba'd al-witr. Et en même temps, il a été rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam qu'il a accompli deux unités après le witr. Et donc pair. فدل ذلك على أن أمره بجعل آخر الصلاة من الليل وترا محمول على الاستحباب والأفضلية لكنه لو صلى ركعتين بعد وتره فهو جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Et donc cela nous montre que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de faire en sorte que notre prière, notre dernière prière accomplie la nuit soit impair, cela nous montre que cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est voulu par là, c'est le caractère recommandé de cet acte. Donc il est recommandé de finir sa nuit de façon impair. Et que cela est mieux. Cependant, si la personne, elle accomplit deux unités après avoir fait le witr, alors cela est permis. Ah, pourquoi c'est permis? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il l'a fait. Et donc voilà par rapport à ce sujet, le sujet du witr. Et on continue, on finira ce sous-chapitre, inshallah ta'ala, la semaine prochaine. Bi'idhnillah, on demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيراً.